Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement engagement 12 mois. Le texte biblique est un texte de départ. Abraham doit partir en direction de la terre promise. Joseph est contraint de quitter sa terre pour rejoindre l'Égypte. Moïse obéit au commandement divin pour quitter l'Égypte et rejoindre à nouveau la terre promise. De départ en exil, d'exil en exode. Comment vivre quelque part avec les autres? Comment cohabiter avec ceux qui, eux, sont chez eux? Le texte biblique serait-il d'abord un texte de l'Exode? Thomas Remer. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Comme Bob Marley chante Exodus, il fait référence directe d'ailleurs au texte biblique. Et d'ailleurs, le rastafarisme n'est pas sans lien avec la religion. Tout à fait. Non. Le judaïsme ou la tradition biblique est une très grande inspiration pour ce mouvement religieux autour évidemment d'Haïlé Selassie, mais qui est un peu considéré comme en fait l'incarnation du Messie annoncé par les textes bibliques. Donc, en fait, il y a Melchisedec, Jésus et puis Haïlé Selassie. Puis, évidemment, on puise profondément dans cette tradition biblique. Est-ce exagéré de dire que le texte biblique est un texte de l'Exode? On pourrait dire au moins que l'Exode est au centre, en fait, du récit biblique. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier. Puis, vous avez eu des émissions où vous avez présenté des textes poétiques, des textes de poésie amoureux hier. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de choses dans la Bible. Mais si on prend la grande narration, vraiment, le centre, c'est la sortie d'Égypte. Et puis, dans les 10 commandements, ça commence « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et puis, beaucoup des lois aussi sont en effet motivés par l'idée « faites pas ça » parce que vous-même, vous avez été esclave en Égypte et puis vous avez en effet fait l'expérience que c'est d'être soumis à l'oppression, à la souffrance, etc. Donc c'est vraiment un motif très très fort pour comprendre la Bible hébraïque. Alors on va essayer de filer ce motif au cours de cette émission à travers deux personnages centraux. Il y en a énormément, il a fallu choisir. On va parler de Joseph d'un côté et de Moïse de l'autre. Mais avant cela, Thomas Remer, vous êtes administrateur du Collège de France et professeur titulaire de la chaire Milieu biblique. On vous doit un que sais-je très utile sur l'Ancien Testament. On vous doit aussi un Découverte Gallimard sur Moïse, qui a été très utile aussi pour préparer cette émission. Et je voudrais vous demander, comme je l'ai fait à chacun des invités cette semaine, comment appréhender le texte biblique si on est absolument étranger à toute forme de foi ou d'éducation religieuse. 1. Est-ce que c'est possible? 2. Est-ce qu'on rate quelque chose? Ah, c'est très possible, c'est même nécessaire, je dirais. Bon, c'est vrai que quand j'ai été nommé au Collège de France, il y a des gens qui m'ont dit, quoi, la Bible au Collège de France, qu'est-ce que c'est? La Bible fait partie du patrimoine religieux, il faut que les églises, les synagogues s'en occupent. Mais il y a toujours eu un peu cette... qu'est-ce qu'il faut dire? Résistance, réticence. Peur, réticence, un peu malaise aussi par rapport au texte biblique. Et puis même les philosophes, parler de la Bible en France, c'est toujours très compliqué. Et je pense c'est un problème aussi qu'on va retrouver après dans la question de la connaissance des grandes traditions, parce que on veut quand même que les élèves soient un peu formés. On fait la philosophie grecque, on fait l'islam, mais avec la Bible, on a toujours un peu de soucis. Donc je pense, en effet, il faut essayer de comprendre ce texte. Et c'est comme tous les textes de l'Antiquité, il ne nous parle pas forcément toujours directement, mais en même temps, il a tellement inspiré, en fait, notre culture. Si vous allez au Louvre, sans connaître les récits bibliques, vous comprenez que la moitié ou un quart des choses que vous allez trouver. Donc, je pense, il faut comprendre la Bible. Et puis, il faut la comprendre, tout le monde peut la comprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de présupposer religieux, chrétiens, juifs. Non, la Bible appartient à tout le monde. Et je pense qu'il faut pas faire même la sortir un peu des églises, des synagogues, qui l'ont un tout petit peu domestiquée ou, en fait, interprétée d'une certaine manière. Alors que, je pense, on peut aussi les interpréter, ces textes, dans un esprit laïque, sans présupposer. Et c'est ce que je me force de faire. Et je crois que c'est très important de le faire. Ça veut dire qu'on peut les lire comme des textes de mythologie, au fond. Exactement, c'est des textes mythologiques. C'est vrai, quand on dit la Bible, c'est des mythes, alors les gens disent, oui, alors c'est pas vrai. Et c'est vrai que si on parle tout à l'heure, on va parler de l'Exode, évidemment, c'est une histoire qui s'est jamais passée. On peut pas imaginer que 2 millions de personnes ont traversé une mer, on sait pas laquelle, en 24 heures. C'est pas possible. Mais donc, derrière ces textes, il y a tout autre chose. C'est pas la vérité ou la valeur de ces textes dépend pas de leur historicité. Donc, si on se concentre sur le Pentateuch, il faut dire que c'est des récits mythiques. Mais, c'est pas pour moi quelque chose de négatif. C'est vrai, parfois, quand on dit, ah, c'est un mythe, il y a toujours un petit moment péjoratif. Ah, donc c'est pas vrai. Ou c'est une invention. Alors, c'est des inventions, mais qui, évidemment, se basent sur des traditions et qui véhiculent des choses très, très importantes, qui construisent, en fait, une identité. Et sans ces textes, évidemment, vous n'aurez jamais eu ni le judaïsme ni le christianisme, mais vous n'aurez jamais eu peut-être non plus les droits humains. Beaucoup de choses sont, en effet, enracinées dans ces textes-là. Il ne faut pas en faire l'apologie, il faut les lire, il faut les comprendre. Et c'est comme tous les grands textes de l'Antiquité, y a certains passages qui sont plus faciles, d'autres sont un peu plus compliqués. Si vous prenez le Lévitique, donc vous n'avez pas choisi le Lévitique pour cette émission, puis on peut évidemment aisément comprendre pourquoi, parce que c'est moins drôle, mais évidemment ça fait aussi partie de l'ensemble. Mais je pense qu'on peut commencer, en fait, si on veut lire la Bible, par les histoires. Par les histoires, il faut se laisser des histoires qu'on, certains on pense qu'on les connaît, mais après quand on lit précisément, on les connaît peut-être pas si bien que ça. Et puis bon, il y a aussi des histoires qu'on connaît pas, qui sont un peu plus cachées, mais prenez une Bible, commencez par le début, la Genèse. Après, si vous arrivez au Lévitique, sautez-le si vous voulez. Mais vous pouvez aussi le lire, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a le bouc émissaire, il y a toute une réflexion sur le pur, sur l'impur, sur l'exclusion, l'inclusion. Il y a toujours des choses à trouver. Alors, les personnages dont on va parler aujourd'hui, je les appelle des personnages parce que ce sont quasiment des personnages de romans, tellement leur histoire respective a quelque chose d'une narration très bien ficelée. Aujourd'hui, on parlerait d'un bon scénario. On va commencer avec le personnage de Joseph que vous allez nous présenter. Joseph, il est, et je crois que ce sont vos mots, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est quasiment une success story, on dirait aujourd'hui. Oui, oui, un success story qui, évidemment, commence pas si bien. Joseph, donc, on le situe un peu dans la grande narration de la Genèse, Joseph, c'est un des derniers fils de Jacob qui est présenté, en fait. Donc, ils sont 12. Bon, on va pas parler des 12, mais voilà. Chiffre symbolique, et parmi les 12, ils sont de 4 femmes différentes. Et en fait, Joseph avec Benjamin, c'est la femme préférée donc de Jacob, Rachel, et donc c'est pour cela apparemment que il préfère ce Joseph, donc à qui il fait des robes princières, puis voilà. Et ce Joseph, au début, il est pas très malin non plus, je sais pas si on peut le dire comme ça, parce que voilà, il va raconter ses rêves où il va dominer sur ses frères, même sur ses parents. Et puis évidemment les frères sont pas très très contents d'un petit là qui se croit être le maître de tout le monde. Donc ils vont le vendre en Égypte. D'abord ils veulent le tuer, mais en fait ils changent un peu d'avis, ils le vend en Égypte. Et en Égypte, au début, ça commence bien parce qu'il entre dans la maison d'un dénommé Potiphar. Qui, en effet, très vite l'établit un peu comme son chef de service, son directeur général des services. Donc, voilà, ils le mettent en place. Mais il y a la femme de ce monsieur, Madame Potiphar, parce qu'on ne lui dit pas son nom, qui a des visées sur le petit Joseph, qui apparemment est assez attirant, et puis voilà, un jeune hébreu comme ça. Et donc Joseph résiste évidemment aux avances de Madame Potiphar, elle va l'accuser. Et puis il peut pas se défendre, donc il va de nouveau en fait descendre. Il était dans le puits où on l'a sorti pour l'amener en Égypte. Là, il va descendre en prison où il va rester un moment pour être ressorti, puisqu'il sait bien interpréter les rêves tout d'un coup. Et puis donc il va ressortir de prison pour interpréter les rêves du pharaon. Et c'est à partir de cela que tout va se passer pour le mieux, parce que Pharaon va se dire « Ah, j'ai trouvé l'homme qu'il me faut ». Et donc, le petit hébreu va devenir en fait le chancelier, le vizir de l'Empire égyptien. Et après commence la deuxième partie, je ne sais pas si vous voulez qu'on la On va la garder pour un instant, parce que voilà. Je vous propose qu'on va écouter le texte. C'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est qu'on peut entendre les mots choisis et le récit. Et on l'a dit, c'est vraiment comme un roman à rebondissement avec des frères jaloux, une femme fatale et donc une histoire couronnée de succès. Un temps en tout cas. Voici donc ce que l'on lit au chapitre 37 de la Genèse et c'est interprété par Eric Herson-Macarel. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, il était jeune, avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Or, Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères, qui le haïrent encore plus. Il leur dit « Écoutez le rêve que j'ai fait. » Il me paraissait que nous étions à lier les gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa dans les champs et qu'elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et elles se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui répondirent « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien dominer en maître ?» Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères. Mais son père le gronda et lui dit « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui. Mais son père gardait la chose dans sa mémoire. J'en ai assez, ce jeu est idiot. Joseph, qui a dit que c'était un jeu? Mon Dieu, il est tombé. Je vous en supplie. Allons-nous-en d'ici. Il n'y aura qu'à trouver dans ses rêves le moyen de sortir. Ne me laissez pas tout seul! Je savais que vous viendriez. Qui êtes-vous? Attrapez-le. Vous faites sûrement erreur. Je suis Joseph, fils de Jacob. Un peu maigrichant, non? Difficile à dire. Voyons ce qu'il y a sous ce joli menton. Mes frères vont vous le faire payer. Oh. Judas! Siméon! Lévi! Au secours, oui, aidez-moi! Nous sommes là. Comme convenu. 20 pièces d'argent. Non, ne faites pas ça. Lévi, je t'en prie. Issachar, Siméon, mais qu'est-ce qui vous prend? Judas, Judas, laisse-moi m'emmener. Pitié! Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, on parle de la Bible cette semaine et aujourd'hui de deux personnages, Joseph d'un côté, Moïse de l'autre. Comment cohabiter avec les autres? Comment cohabiter déjà avec ses frères? C'est la question que soulève ce texte, Thomas Römer, puisque Joseph est donc haï par ses frères parce qu'il fait des rêves. dans lesquelles il se vit comme étant quelqu'un que les autres doivent respecter, voire devant lequel ils doivent se prosterner. Et il a la naïveté de le raconter à ses frères et à ses parents. Et là, dans l'extrait qu'on a entendu, il se fait, ses frères le vendent en esclavage à des Égyptiens. C'est une haine totale. D'abord, ils le mettent dans un puits, et puis ensuite, bon, il y a des hésitations, hein, il y a peut-être deux traditions différentes. Il y a ceux qui veulent un peu s'en débarrasser en le laissant dans le puits, et puis d'autres, ils ont un peu quand même pas le tuer parce que c'est notre frère, donc ils le vendent pour 20 pièces d'argent, 20 shekels. Puis évidemment, ça rappelle un peu ce que les évangiles vont construire autour de Jésus, qui, comme par hasard, est fils de Joseph. Oui. Le fils de Joseph. Donc, c'est un peu un nouveau Joseph aussi. Il y a un lien entre le Joseph de... Ah, moi, je pense. Oui, oui, tout à fait. Je pense que il y a beaucoup de choses. Il est aussi abandonné par les siens. Judas qui le trahit, qui le vend. Bah, comme dans l'histoire de l'Ancien Testament. Donc, mais ce sera une autre émission. Mais je pense beaucoup d'évangiles, en fait, reprennent des thèmes de la Bible hébraïque et le plaquent sur Jésus, qui joue un peu les rôles du nouveau Moïse, du nouveau Joseph et bien d'autres figures qui sont reprises. Élie aussi, et bien d'autres. Oui, je pense, en effet, il faut lire les évangiles un peu de la même manière, bon, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, ça ne plaît pas à tout le monde. Non, mais c'est comme ça. Bon, alors, les rêves. Oui, c'est ça qui est dingue ici, ce sont les rêves. Il faut peut-être d'abord rappeler que dans l'Antiquité, les rêves sont très importants. Si vous faites un rêve, bon, ça va jusqu'à Freud, hein, donc on cherche à le comprendre, il y a les spécialistes qui vous interprètent, etc. Mais pour les premiers deux rêves, les rêves d'ailleurs dans Joseph, ça va toujours pas deux. Il y a ces deux rêves à lui, les deux rêves qu'il va interpréter aux prisons, on reviendra après, et les deux rêves du pharaon. Les premiers deux rêves, ben, ça lui porte pas beaucoup de chance, mais il a pas besoin de les interpréter parce que c'est des rêves apparemment qui sont tellement évidents avec les gerbes. Il me paraissait que nous étions à lier les gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa dans les champs et qu'elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. Exactement. Donc je pense qu'il y a pas beaucoup littéral. De voilà. Et puis Joseph raconte. Il dit rien du plus. Hein. Après, il va interpréter les autres rêves. Mais là, il raconte les rêves et puis les frères comprennent immédiatement. Et évidemment, je pense jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un dans une fratrie dirait ben « là, j'ai rêvé que je serai plus haut que vous », je suis pas sûr que tout le monde sera très, très content. Et évidemment, ces rêves qui d'abord vont en effet lui valoir d'être exilé, être vendu en Égypte, ben ensuite les rêves vont lui permettre de faire carrière en Égypte. Mais est-ce qu'on pense que les rêves sont un lieu de communication avec le divin ? Souvent c'est ça. Souvent en effet on dit par les rêves Dieu fait passer un message. Parfois il y a des rêves où c'est très clair, comme les rêves de Joseph au début. Et ensuite, il y a des rêves qui sont plus compliqués, comme Pharaon qui a besoin après d'un interprète. Mais c'est vrai que les rêves sont liés au divin dans l'Antiquité. Et puis, il faut des interprètes. Mais Joseph, d'emblée, il est son propre interprète parce que voilà, il comprend immédiatement. Et puis, évidemment, si on regarde la suite de l'histoire, ben, les rêves vont quand même se réaliser. Parce que quand il a fait carrière en Égypte, les frères qui le reconnaissent pas, mais qui, pour des raisons économiques de famine, doivent se rendre en Égypte, ben, ils vont se prosterner devant celui qu'ils imaginent être le chancelier de l'Égypte. Donc, les rêves vont s'accomplir. L'autre chose intéressante dans l'histoire de Joseph, si vous faites abstraction de l'histoire de Madame Potiphar, donc là on pourrait montrer, mais je crois que c'est pas tellement intéressant pour cette émission, que ça c'est un récit qui est rajouté après coup. Dans tous les autres récits de l'histoire de Joseph, et c'est pour ça qu'elle est très très moderne, Dieu n'intervient jamais directement. Vous n'avez pas ce qu'on appelle Papha dans l'histoire de l'Exode, par exemple. Mmh. Vous avez un narrateur omniscient, c'est-à-dire qui fait intervenir Dieu, qui sait ce que Dieu pense. Dieu apparaît à Moïse, il dit ça et ça. Et si vous regardez l'histoire de Joseph, c'est très moderne parce que tous les discours sur Dieu, c'est toujours dans la bouche des protagonistes. Par exemple, quand les frères sont maltraités par Joseph en Égypte, ils disent « c'est Dieu qui nous punit ». Oui, parce que quand Joseph arrive en Égypte et commence à avoir une vie plutôt bonne, parce que quand voilà, le pharaon se rend compte qu'il peut se servir de lui dans sa faculté d'interpréter les rêves, il le sort de prison, les frères arrivent et Joseph va se venger. Ah, il va se venger. Il les maltraite. Alors, est-ce qu'il les maltraite? Est-ce que c'est la pédagogie? Alors après, donc, on explique pourquoi. Voilà, on peut expliquer, mais ce qui est C'est pour cela que je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas... Il y a des textes bibliques, on nous dit, ça apparaît parce que Dieu veut se venger, parce que Dieu est en colère, parce que Dieu veut punir son peuple. Dans l'histoire de Joseph, c'est toujours les protagonistes humains qui disent « Dieu veut nous punir ». Alors, est-ce vrai ou pas ? Joseph, à la fin, elle dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien ». Est-ce vrai ou pas ? Donc, vous pouvez lire, en fait, l'histoire de Joseph sans Dieu. Vous pouvez dire c'est Joseph qui, en Égypte, en fait, va réfléchir à toutes sortes de stratagèmes, alors soit pour se venger, soit pour éduquer ses frères. Parce que ce qu'il va faire après, il va prendre le petit Benjamin, qui est donc son cadet, et qui... De la même mère, je crois. La même mère, voilà, de Rachel. Et il va, en fait, aussi le privilégier. Quand ils sont à table, il lui donne beaucoup plus à manger que les autres. Il va de nouveau l'isoler en cachant en fait un objet, donc une coupe en or, je crois, en argent, je ne me souviens plus, dans ses affaires. Et donc, il fait de Benjamin un peu un deuxième Joseph. Oui, il sera accusé de vol. Voilà, bon, il libère Benjamin, vol, mais il glisse un objet précieux dans son sac. Justement, ce qui est intéressant, contrairement à ce qui est arrivé à Joseph, là, les frères vont être solidaires de Benjamin. Et une fois les frères sont solidaires de Benjamin, Joseph va se faire reconnaître. C'est ça. Et donc, du coup, on peut dire que c'est aussi une sorte d'éducation des frères, de supporter les différences, les inégalités, parce que ça, tout le monde a toujours du mal à supporter. Ça commence avec un Abel, c'est déjà à l'origine de tout ça. Donc, du coup, vous pouvez le lire soit comme vengeance, soit simplement comme une sorte de mise en place d'une pédagogie, d'apprentissage, qui fait qu'à la fin, toute la famille est réunie et on fait venir le vieux père aussi en Égypte, où on vit très bien. Dans quelle mesure la vie de Joseph et sa capacité qu'il va apprendre, qu'il va acquérir à interpréter les rêves, serait une image du rôle, de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du texte biblique? On va écouter la façon qu'a Joseph lui-même d'interpréter les rêves, ce qu'il va dire au Pharaon, une fois qu'il est dans la cour du Pharaon, et que les choses vont bien pour lui. Et vous verrez comment l'écart qui s'est creusé entre le premier récit de ses rêves, où il ne faisait que raconter, et la faculté interprétative, qu'il a développée dans ce texte-là, et c'est peut-être celle dont il faut faire preuve quand on lit la Bible. Pharaon parla ainsi à Joseph. Dans mon songe, il me semblait que je me tenais sur la rive du Nil. Voici que montèrent du Nil 7 vaches grasses de chair et belles d'aspect qui pâturèrent dans les joncs. Mais voici que 7 autres vaches montèrent après elles, efflanquées, très laides d'aspect et maigres de chair. Je n'en avais jamais vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévorèrent les 7 premières, les vaches grasses. Et lorsqu'elles les eurent avalées, on ne s'aperçut pas qu'elles les avaient avalées, car leur apparence était aussi laide qu'au début. Là-dessus, je m'éveillai. Joseph dit à Pharaon, « Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va accomplir. Voici que viennent 7 années où il y aura grande abondance dans tous les pays d'Égypte, puis leur succéderont 7 années de famine, et on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays, et l'on ne saura plus ce qu'était l'abondance dans le pays en face de cette famine qui suivra, car elle sera très dure. Maintenant, que Pharaon discerne un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse, et qu'il institue des fonctionnaires sur le pays. Il imposera au 5e le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils ramasseront tous les vivres de ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé sous l'autorité de Pharaon. Ils mettront les vivres dans les villes et les y garderont. Ces vivres serviront de réserve au pays pour les 7 années de famine qui s'abattront sur le pays d'Égypte. Et le pays ne sera pas exterminé par la famine. » France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Thomas Römer, dans ce texte, Joseph apparaît, joue le rôle d'un expert, au fond. Oui, c'est expert en songe, voilà. Et puis, on précise, d'ailleurs, dans le récit, que Pharaon consulte, parce qu'il a, évidemment, ses propres experts, hein, ses prêtres, qui, apparemment, n'arrivent pas à comprendre. Bon, là, évidemment, on est un peu dans le jeu littéraire, parce que même un lecteur pas expert en rêve, je pense, il comprend un tout petit peu, quand même, de quoi il s'agit. Mais bon, Joseph est présenté comme le grand expert en rêve. Et puis, c'est vrai, quand on regarde l'histoire de Joseph, il y a une évolution de Joseph par rapport au rêve. Tout au début, il ne fait que raconter ses propres rêves. Ensuite, suite à la femme de Monsieur Potiphar, il se retrouve en prison. Là, il a aussi deux rêves à interpréter. Le rêve du boulanger et le rêve de l'échanson. L'échanson qui sera en effet gracié par le pharaon et le boulanger sera pendu. Hein? Donc là, il ne fait que interpréter. Et ensuite, avec le pharaon, bah, il interprète les années abondantes, grâces, et les années maigres. Et puis, seulement ensuite, il donne du conseil. Il dit, bah, en fait, il ne faut pas seulement interpréter, il faut réagir par rapport à ça. Et il dit, bah, là, il faut stocker le blé. Et il est quand même assez malin, parce qu'il dit que le pharaon choisisse quelqu'un de capable. Bah, c'est qui quelqu'un de capable? Évidemment, ce sera c'est lui qui lui a interprété les rêves. Donc, il sait très bien se positionner aussi. Hein. Il sait très bien se positionner. Et c'est là, en effet, où commence son ascension fulgurante. Une chose qui peut être intéressante aussi, c'est il dit au pharaon, Dieu t'a fait savoir ça. Et puis, il n'y a aucun problème de parler de Dieu oui, c'est entre ça. Pharaon et Joseph. Mm. Alors que dans l'histoire de Moïse, le pharaon va dire, mais qu'est-ce que c'est votre Dieu là? Je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, j'ai suffisamment de dieux en Égypte, je ne vais pas m'en occuper. Et là, dans l'histoire de Joseph, donc on voit déjà qu'on a deux visions très très différentes de lien ou de la cohabitation entre l'Égypte et les Hébreux. Est-ce que ça veut dire que Joseph est intégré à la société égyptienne? Il peut s'intégrer, il va même épouser la fille d'un grand prêtre égyptien, le prêtre de Héliopolis, de On. Et puis avec cette fille, Asenet, un nom qui rappelle une déesse égyptienne, Night, avec cette fille, il va avoir deux fils. Mais c'est seulement dans l'histoire de Joseph. Donc Ephraim et Manassé, qui sont ensuite intégrés dans le système tribal, bah, ils sont en fait à moitié égyptiens. C'est des bâtards, des mamserim, comme on dit après dans le judaïsme. Donc là, ça va très très loin, l'intégration. Hein. Donc là, on peut en effet s'intégrer. Et puis, évidemment, ça correspond aussi à une situation historique qu'on peut très bien comprendre où, après la destruction du temple de Jérusalem au VIe siècle, il y a une sorte de... Bah, il y a la déportation à Babylone, mais beaucoup de gens aussi descendent en Égypte. Donc, si la Bible raconte qu'Abraham descend en Égypte, que Joseph descend en Égypte, derrière, il y a quand même une réalité, c'est-à-dire l'Égypte est souvent un lieu d'asile et où, en effet, on se réfugie pour des raisons économiques ou parfois aussi politiques. Et donc, oui, voilà. Enfin, dans le texte, c'est surtout le lieu où les Juifs sont les esclaves. L'Égypte. Oui, alors après. Après, attention, parce que je pense que c'est ça ce qui est intéressant. Mais quand Joseph de la Bible. Est vendu par ses frères en tant qu'esclave, c'est à des Égyptiens. Alors, c'est des Égyptiens, mais là, en effet, il est esclave pour changer. Une fois qu'il est en Égypte, il change. Alors après, dans l'histoire de Moïse, tout le monde est esclave. Hein? Donc, en fait, l'Égypte, si on compare Moïse et Joseph, l'image de l'Égypte est totalement différente. Évidemment, les Égyptiens, ils l'achètent, mais... D'abord, dans la maison de son maître, il ne faut pas imaginer qu'il souffre beaucoup parce que voilà, il devient vraiment un peu le DG de oui, ce puis il va jusqu'à instaurer une forme de capitalisme d'État. Alors après, voilà, après il va inventer le capitalisme aussi d'une certaine manière parce que tout va être fait pour renforcer le pouvoir du pharaon. Mais l'Égypte est présentée dans l'histoire de Joseph comme une terre d'accueil. Sans qu'on ait totalement, comment dire, aveugle des problèmes, parce que il y a des petites notes. Parfois, on dit voilà, quand Joseph va manger avec ses frères, lorsqu'ils arrivent en Égypte, on va dire, ils mangent pas à la même table, parce que c'est une abomination, une horreur pour les Égyptiens de manger avec les Hébreux. Donc on voit que, bon, intégration vie, mais c'est pas non plus gagné toujours. Hein. Donc, mais quand même, le message correspond en fait à une situation où il y a, au 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, il y a en Égypte une population judéenne, il faut pas encore parler du judaïsme, judéenne, israélite aussi, de l'ancien royaume d'Israël, très important. Et puis, c'est pas par hasard que le Pentateuch va être traduit en grec, parce qu'à partir du 3e siècle, la langue officielle, ça va devenir le grec, à Alexandrie, donc en Égypte. Donc l'Égypte joue un rôle très très important aussi pour la transmission de la tradition biblique. Et les grands philosophes, Philon d'Alexandrie, etc., c'est des gens qui, en fait, sont installés en Égypte. Donc il y a une certaine réalité derrière l'histoire. L'histoire de Joseph n'est pas historique, mais elle reflète en effet... le fait que, à partir du 5e siècle, il y a beaucoup de Judéens qui vivent en Égypte et qui essayent, en fait, dans la figure de Joseph, de trouver un peu leur identité. Hein, et c'est pourtant, un peu leur ancêtre. Repart. Il repart. Il aurait pu rester, mais il non. Aurait pu rester. Et puis, si vous lisez attentivement l'histoire, vous voyez que le départ de Joseph se fait après sa mort. Donc, comme d'ailleurs Jacob qu'il fait venir en Égypte, et une fois qu'il est mort, on amène ses dépouilles dans le pays. Mais si vous regardez la fin de l'histoire de Joseph, il est embaumé comme un haut fonctionnaire égyptien. Il vit 110 ans. 110 ans, dans tous les textes égyptiens, c'est l'âge que le Dieu accorde à des gens exceptionnels. Donc, il est en effet totalement intégré. Et on pourra imaginer, l'histoire s'arrête là, donc il n'y a pas besoin qu'il remonte. Ce qui va remonter de Joseph, c'est ses ossements. Peut-être dans l'histoire ancienne, il meurt en Égypte et on y reste, en fait. Après, évidemment, et ça c'est aussi ce qui est très intéressant dans la Bible fait cohabiter des visions parfois contradictoires ou différentes. Et évidemment, quand on a mis ensemble l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, de l'Exode, il fallait bien que on fasse un lien. Et ce lien, on va le faire par dire, l'Égypte, c'est pas l'endroit où on peut rester pour toujours, donc il faut que les ossements de Joseph soient ramenés dans la terre promise. Et puis, on va dire, après Joseph, il y a un pharaon qui arrive, qui ne connaît plus du tout Joseph, rien ce qui s'est passé. Et puis, tout d'un coup, on va présenter une vision de l'Égypte totalement différent de ce que vous avez dans l'histoire de Joseph. Donc il y a vraiment deux visions de l'Égypte. Deux visions de l'Égypte qui, sont totalement opposées. Joseph peut faire venir sa famille, le pharaon, le traite hyper bien, il prend même un nom égyptien, donc il est totalement intégré. Alors que les Hébreux, au début de l'histoire de l'Exode et de Moïse, ils sont pas du tout intégrés. Au contraire, ils sont utilisés pour des corvées. Pour quand on dit des esclaves, faut pas imaginer ça comme des esclaves du 16e, 17e siècle, hein. Mais c'est quand même des gens qu'on utilise, qu'on exploite, qui peuvent peut-être vivre dans des colonies. Donc, ils ne sont pas dans une situation très, très avantageuse. Mais bon, ce n'est pas des esclaves comme on l'imagine après sur les champs de coton et d'autres. Mais ce qui est important, c'est de voir comment, en fait, on négocie la cohabitation de ces deux récits. Et puis, ça permet aussi, je pense, après au judaïsme naissant, de se situer par rapport à une grande question. Donc, vous savez que le judaïsme, au moins jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, ça a toujours été, et ça reste, une religion, en fait, diaspora. Elle n'est pas, cette religion n'est pas, en effet, défendue par un empire, par un roi, par un pouvoir politique. Donc, on est toujours intégré ailleurs. Et quand on doit s'intégrer, c'est une question d'actualité. Jusqu'à où il faut pousser l'intégration et jusqu'à où il faut garder ses spécificités. Ce qui est une question qui préoccupe tous nos contemporains et qu'on trouve exactement, dans toutes les productions et qui occupe déjà le texte biblique. Hein. C'est ça, jusqu'à ce film de 2002 qui s'appelle Joue là comme Beckham. Écoutez. Ok. C'est vers le corner. Yeah. Hello. Je m'excuse de faire éruption chez vous de cette façon, Madame et Monsieur Bamra, mais je voulais vous parler en personne. Je viens d'apprendre que vous ignoriez que Jess jouait dans notre équipe. Nous ne savions rien. Je pense qu'elle possède un fort potentiel. C'est à nous de juger de son potentiel. Mais jouer dans cette équipe est un honneur. Quel plus grand honneur y a-t-il que de respecter ses parents? Jeune homme, quand j'étais adolescent à Nairobi, j'étais le meilleur lanceur de l'équipe de cricket. Mais à mon arrivée en Angleterre, c'était fini. On ne m'a pas autorisé à entrer dans une seule équipe, et les Blancs bien intégrés dans leur club se fichaient de moi et de mon turban. Je ne veux pas que vous donniez des faux espoirs à Jasminder. Papa, les choses ont évolué. Tiens, Nasser Hussain est capitaine de l'équipe de cricket et il est asiatique. Quand ces fichus anglais ont osé me virer de leur saleté de club comme un chien, je ne me suis pas plaint. Au contraire, j'ai même fait le vœu de ne plus rejouer. Qui en a souffert? Moi. Je ne veux pas que notre Jessie souffre. Je ne veux pas qu'elle fasse les mêmes erreurs que son père en acceptant une vie de compromis sans être heureuse. Je veux qu'elle se batte. Et je veux qu'elle gagne. Parce que je l'ai vue jouer, elle peut gagner. Et nous n'avons pas le droit de l'en empêcher. Au moins, je lui aurais appris à faire un dîner indien. La suite appartient à Dieu. Je n'ai jamais dit « je suis allemande », j'ai toujours dit « je suis juive ». Dans l'Antiquité, lorsque l'État juif existait encore, il y avait déjà une grande diaspora juive. Au cours des siècles, à travers un très grand nombre de formes différentes de gouvernement et d'État, les Juifs, le seul peuple de l'Antiquité qui ait survécu à travers les millénaires, n'ont jamais été assimilés. Un peuple, une collectivité, ne se suicide pas. Le sentiment des intellectuels qui peuvent changer en effet de nationalité et absorber une autre culture ne correspond pas au sentiment du peuple dans son ensemble et particulièrement pas à celui d'un peuple qui a été créé par des lois que nous connaissons. Voilà les questions que nous pose le texte biblique que nous lisons aujourd'hui avec vous, Thomas Römer. Quelles sont les limites de l'intégration? D'un côté, ce film donc joue là comme Beckham, où cette fille indienne voudrait faire du foot, mais ses parents ne veulent pas parce que son père a peur qu'elle se fasse humilier dans l'équipe. Exactement, comme il l'a été ouais. À son époque, jusqu'à ce que finalement il change d'avis, il comprenne que finalement l'intégration allait pouvoir réussir dans cette nouvelle génération. Et puis la voix d'Anna Arendt, c'était en 1973 à New York, interrogée par Roger Herrera. Anna Arendt qui le dit très clairement, le peuple juif, qui est le seul peuple de l'Antiquité qui ait survécu à travers les millénaires, ne s'est jamais assimilé, au sens où son identité ne s'est jamais diluée dans une autre culture. Et elle a cette phrase très forte, presque choquante, le peuple ne peut pas se suicider, c'est-à-dire ouais. S'assimiler. Ouais. Comme si là, c'était une limite totale à l'intégration du peuple oui. Juif. Bon, évidemment, Hannah Arendt, il faut la comprendre dans son contexte, parce que c'est vrai que le judaïsme allemand avait poussé l'intégration tellement loin qu'après coup, les gens se sont dit c'est à cause de cela que tout est arrivé, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais c'est vrai que les synagogues étaient construites comme des temples protestants, on chantait les mêmes cantiques dans les églises protestantes. Il y avait des rabbins qui disaient bon, le Shabbat, on peut le faire aussi le dimanche, c'est pas grave. Donc il y avait vraiment l'idée, il faut s'intégrer le maximum. Hein. Et puis, dans le récit biblique, il y a des textes où ça va très loin. Mais je pense l'intégration totale, elle marche jamais. Dans l'histoire de Joseph, bah, on vient de le dire, ouais. Joseph prend un nom égyptien, il épouse une fille égyptienne, mais il y a des petits moments où justement, quand on est à table, tout d'un coup, on apprend que les Égyptiens n'aiment pas trop, quand même les Hébreux, qu'ils détestent les bergers, etc. Donc il y a toujours des petits signaux. Après, la question qui reste posée et à laquelle le texte peut pas répondre, c'est jusqu'à où ouais. Il faut s'intégrer. Et là, je pense, en effet, le fait qu'on a mis ensemble l'histoire de Joseph, où l'intégration se passait bien, et l'histoire de Moïse, où il faut sortir, Bah, c'est un peu pour confronter le lecteur, la lectrice, avec cette question, qui est une question qui est posée à tout le monde d'une certaine manière, parce qu'on vient toujours d'ailleurs quelque part. L'autochtonie, j'y crois pas. Donc les Français de souche et tout ça, c'est de la mythologie. Ce que pose le texte biblique, c'est cette question-là. Et puis, je pense qu'il donne deux images qu'il faut prendre ensemble. C'est-à-dire, il ne faut pas aller d'un extrême ou à l'autre extrême. Donc, c'est en effet, comme le dit Hannah Arendt, une mise en garde contre une intégration totale qui n'est pas possible. Mais c'est aussi, avec l'histoire de Joseph qui précède, l'histoire de Moïse, une mise en garde contre une idée. Il faut totalement se séparer, s'opposer à tout ce qui vient du pays d'accueil. Ça, c'est pas vivable non plus. Ouais. Donc je pense qu'il faut trouver, et puis il n'y a pas de recette, il faut avancer doucement, et puis il faut trouver en effet ses repères. Et ces repères, je pense, sont très très différents selon les contextes historiques, l'époque, mais aussi selon les pays dits d'accueil où un groupe se trouve. Alors que s'est-il passé avec Moïse ? Et quel est le lien entre Joseph et Moïse déjà ? Alors, le lien entre Joseph et Moïse, d'une certaine manière, il n'existe pas. Si on prend les deux histoires, c'est deux histoires à l'origine indépendantes. Mmh. Hein. Mais évidemment, ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va en effet dire il y a des époques différentes. Joseph meurt, puis il dit déjà à ses frères, il prépare l'exode, ils disent « Lorsque vous allez sortir, vous allez amener mes ossements pour les enterrer dans le pays promis. » Mais ça, c'est ce qu'on appelle, quand on parle de l'exode, c'est ce mouvement-là, c'est quitter l'Égypte pour retourner en terre promise. Ce qu'on appelle l'exode, c'est en effet la sortie d'Égypte. C'est aussi ce qui a donné le nom au deuxième livre de la Bible, Exodus, Exode, c'est ça. L'histoire de Moïse, en fait, elle est très différente de l'histoire de Joseph, parce que Moïse va naître dans un contexte qui est déjà marqué, je sais pas s'il faut parler de génocide, mais de cette idée aussi assez perturbant. D'un côté, on dit que les Égyptiens utilisent les corvéables hébreux pour construire des villes, pour faire des grandes constructions. Et en même temps, le pharaon dit « il devient trop nombreux, donc il faut limiter un peu ce peuple, parce qu'après, ils vont être plus importants que nous, ils vont prendre nos femmes. » Ça, c'est aussi un discours qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, on a besoin des immigrés, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de travaux que les soi-disant autochtones ne veulent pas faire. Mais en même temps, on se dit « Oui, ils prennent nos femmes, ils sont horribles, ils ne s'intègrent pas, ils sont tellement différents de nous, on ne peut rien faire avec eux. » Donc, c'est exactement ce qui se passe au début de l'Exode. Et c'est dans cette situation-là que naît le petit Moïse, qui va ensuite devenir le libérateur. Un petit Moïse, vous dites, parce que c'est bébé qu'il est abandonné. Ça c'est quand même une histoire que les gens connaissent. Moïse va être abandonné, mais c'est pas non plus d'une logique absolue, mais enfin bon, parfois... L'histoire doit se débrouiller. Moïse doit être abandonné par sa mère parce que elle le cache d'abord, puisque Pharaon dit il faut tuer les nouveau-nés mâles, des Hébreux. Et puis sa mère le cache et à un moment elle peut plus le cacher. Donc elle l'abandonne, mais en même temps on a l'impression aussi qu'elle le place déjà d'une manière stratégique sur le fleuve. Parmi, en effet, le papyrus, les gens, pour qu'on puisse le retrouver. Et puis, évidemment, il va être retrouvé par la fille du pharaon. Et il va être adopté. En fait, là, au début, moi, je disais, il n'y a pas de parallèle, mais il y a quand même peut-être un parallèle. Parce que le petit Moïse, comme le petit Joseph, il va arriver à la cour égyptienne. Donc, et le nom Moïse, c'est un nom égyptien. Ça, on peut être sûr, parce que si vous lisez l'histoire biblique, c'est le seul enfant qui ne reçoit pas son nom directement de ses parents. Parce que dans les récits bibliques, un enfant naît, et c'est le père ou la mère qui dit, on va l'appeler comme ça. Et Moïse, en fait, il n'a pas de nom. Les rabbins, déjà, ils ont dit, oui, elle a dû avoir un nom. Donc, ils ont cherché toutes sortes de noms qu'on pourrait lui donner. Mais en fait, si vous regardez l'histoire, c'est qui donne le nom ? C'est la fille du pharaon. Elle parle hébreu. Ça, évidemment, on est dans... dans le récit, il dit « je l'appelle Moïse parce que je le tirais des eaux ». Mais c'est en effet une fausse étymologie qui sert le récit. Mais en fait, Moïse, c'est comme Ramsès, Toutmosès, donc c'est en fait un nom qui est un nom composite, Théophore, donc avec un élément divin. Donc ça veut dire Ramsès engendré par Ra, ou fils de Ra. Et Moïse, il est fils de, mais on ne dit pas la divinité. C'est ça. Mais oui, le dieu soleil. Et à quel moment comprend-il que lui-même est hébreu? Alors après, il a un problème justement d'identité. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, la Bible est très très peu loquace sur le jeune Moïse. Après, on va raconter plein d'histoires là-dessus, mais dans la Bible, en fait... Oui, il y a beaucoup d'évites, il y a des moments qui nous paraissent cruciaux. Il a 40 ans quand il ressort, c'est-à-dire il est donc il est adopté par la princesse égyptienne. Mais après, qu'est-ce qu'il fait à la cour? Mais apparemment, il doit être en effet éduqué à l'égyptienne. Le texte ne nous le dit pas. Après, quand il doit s'enfuir d'Égypte parce qu'il a tué en fait un Égyptien et puis un Hébreu, donc le pharaon veut le faire donc tuer, il s'échappe et puis il arrive dans le pays de Madian, donc au sud du Négev, entre l'Égypte et Israël. Bah là, les filles qui vont puiser l'eau et dont il va épouser une, bah, ils le prennent pour un Égyptien, parce qu'ils disent à son père, ah, on a trouvé un Égyptien qui nous a aidés, qui nous a défendus contre les autres bergers. Donc Moïse est d'abord, en effet, présenté comme un Égyptien. Et après, bah, voilà, il va avoir sa fameuse vocation. Donc Dieu s'adresse directement à lui. Alors là, Dieu s'adresse à Joseph. Ça, c'est la grande différence. Ouais. Donc Dieu va apparaître dans le fameux buisson ardent pour lui dire, écoute, Moïse, tu vas libérer mon peuple. Moïse n'est pas très, disons, pas très motivé au début. Hein. Puis il dit d'ailleurs, dis-moi d'abord comment tu t'appelles, parce que les dieux qui parlent, il y en a beaucoup. Donc il faut déjà savoir quel est ce nom de ce dieu. Et c'est là, en fait, aussi, c'est pour ça que c'est un texte très intéressant, c'est le seul texte dans toute la Bible où on réfléchit sur la signification du nom divin. Et c'est par rapport à cette révélation que Dieu fait à Moïse au fameux buisson ardent où Moïse dit « Mais c'est qui, toi ?» Et puis il dit « Je suis que je suis » ou « Je serai que je serai ». Bon, évidemment, un jeu de mots en hébreu « Ehyeh Asher Ehyeh » avec le nom de Yahvé, hein, donc, qui est le nom non prononcé aujourd'hui dans le judaïsme, mais qui est le nom originel du Dieu d'Israël. Donc il y a une sorte de jeu avec « être avec » ou « c'est lui qui est », etc. Bien que ce n'est peut-être pas la bonne étymologie, mais la bonne étymologie, ça n'intéresse jamais les gens. Donc c'est des jeux de mots qu'on peut en faire. La bonne étymologie, c'est pas important. Donc Moïse, il est en effet mis dans une situation où il a le privilège, en effet, de savoir le nom du Dieu qui l'appelle et qui le met en place, en effet. Et qui le révèle ainsi à lui-même. C'est Dieu qui le renseigne sur ce qu'il est. Oui, parce que Moïse, quand même, Moïse va... Bah, Dieu lui dit pas « tu es hébreu hein, ». Il dit simplement « tu vas faire sortir mon peuple ». Donc est-ce que Moïse... Mais Moïse a déjà, d'une certaine manière... Bah, de nouveau, le texte oui, permet toute interprétation parce qu'il sait, il veut intervenir en faveur d'un hébreu qui est maltraité par un égyptien. Donc c'est là où il tue le fameux égyptien. Donc il doit déjà se sentir plus hébreu que égyptien. Mais c'est quand même intéressant de mettre en place cette figure-là qui, au début, a aussi un peu ce problème d'identité. Hein, donc, Yahvé va obéir, Moïse va obéir à Yahvé avec l'aide de son frère, Aaron, et notamment en allant voir le pharaon, et le pharaon refuse de céder, et donc ils vont mettre en place ce qu'on a appelé les 10 plaies d'Égypte. Voici le récit de la deuxième plaie d'Égypte, donc il y en a 10 en tout, c'est l'invasion des grenouilles. Yahvé dit à Moïse, « Vois, j'ai fait de toi un dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, le répétera à Pharaon, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Pour moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas ? Alors je porterai la main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les Israélites, du pays d'Égypte, avec de grands jugements. Ils sauront, les Égyptiens, que je suis Yahvé, quand j'étendrai ma main contre les Égyptiens, et que je ferai sortir de chez eux les Israélites. » Yahvé dit à Moïse, « Va trouver Pharaon, et dis-lui, ainsi parle Yahvé, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu refuses, toi, de le laisser partir, moi, je vais infester de grenouilles tout ton territoire. Le fleuve grouillera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans la chambre où tu couches, sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes huches. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Yahvé dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. » Aaron étendit la main sur les eaux d'Égypte. Les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d'Égypte. Et revoilà les grenouilles, on en parlait hier avec Olivier Abel, le chant nuptial des grenouilles qui était l'expression du désir qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Là, on les retrouve dans la deuxième plaie d'Égypte. Thomas Römer, il nous reste 5 minutes. On pourrait passer 1 heure sur chacune des plaies d'Égypte. Et là, on relève le défi de parler de Joseph et Moïse en 55 minutes, ce qui est absurde. Non, c'est toujours mais comment passe-t-on des plaies d'Égypte à quand même l'Exode qui nous préoccupe depuis le début? Justement, les plaies d'Égypte, ça, c'est peut-être la différence avec l'histoire de Joseph. C'est là où, en fait, le Dieu d'Israël manifeste sa puissance. Donc, il y a les grenouilles, les criquets, toutes sortes de choses qui arrivent. Et puis, contrairement à l'histoire de Joseph, où il n'y a pas de problème de parler de Dieu entre le Pharaon et Joseph, Moïse va dire, notre Dieu nous dit, il faut nous laisser partir. Et le Pharaon dit, mais ce Dieu-là, je ne connais pas. Donc, ce Dieu-là va se dire, bon, je vais montrer au Pharaon qui je suis. Et ça, c'est le refrain, en fait, dans l'histoire de plaie, pour que les Égyptiens connaissent que c'est moi, Yahvé. Hein, donc, c'est une sorte de manifestation du pouvoir du Dieu d'Israël qui va, en effet, en s'accroissant. De nouveau, quand on regarde l'histoire, on voit tout de suite qu'il y a deux choses qui vont pas ensemble. Parce que il y a des textes où on dit, c'est Pharaon qui s'obstine. Donc, il dit, mes magiciens peuvent faire la même chose. Et puis, il y a d'autres moments où se dit, c'est le Dieu d'Israël qui a endurci le cœur de Pharaon. En fait, Pharaon n'est qu'une marionnette. Tout ça, c'est une sorte de grande mise en scène pour dire, voilà, le pouvoir du Dieu d'Israël. Et ce pouvoir, en effet, il va, en effet, se manifester par la dernière plaie, qui est une sorte de réponse à la première situation, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. Pharaon qui voulait faire mourir les premiers-nés égyptiens, maintenant, c'est tous les premiers-nés d'Égypte qui meurent, et qui est en sorte de prologue à l'Exode, disons, ce qu'on connaît tous, la mer qui s'ouvre et les Israélites qui passent à travers des eaux, alors que l'armée égyptienne est engloutie. Et puis, voilà, c'est le début de la sortie qui va pas être si simple non plus, parce que dans le désert, les choses vont pas être non plus hyper faciles, hyper roses. Hein, puis le peuple pas très content après. C'est ça, on se rend compte que la question comment cohabiter avec autrui, c'est pas simplement entre les Juifs et les Égyptiens, c'est aussi le peuple hébreu lui-même. Bah, parce que beaucoup ne veulent pas du tout obéir à Moïse en disant mais pour qui tu te prends, on sort d'une exactement et puis un on va très vite, c'est pas pour y on va très vite regretter en fait cette nouvelle liberté, parce que déjà au moment où on est devant, on ne sait pas quelle mer c'est, si c'est la mer Rouge, comme disent certaines, ou plutôt, je pense, des lacs du côté du delta du Nil. Déjà là, quand il va l'armée arriver, ils vont dire, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Qu'est-ce que c'est? On était tellement bien, laisse-nous rentrer. Hein? Et ça va être un peu une sorte de refrain, de leitmotiv qui va se poursuivre tout au long du Pentateuque. Le peuple, chaque fois dans le désert, quand les choses se passent mal, elle dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ou tu, selon si c'est Moïse ou Moïse à Aaron ensemble. Donc, c'est pas gagné d'avance. Le grand récit de la sortie, évidemment, il est triomphant, il est triomphaliste, parce que le Dieu d'Israël, avec Moïse, va ouvrir la mer au milieu. Et puis ça, c'est très intéressant, va sortir en fait la terre sèche, ce qui est une réflexion sur la création du monde en Genèse 1, au premier chapitre de la Bible, parce que là aussi, Dieu partage les eaux et il va faire venir la terre sèche. C'est le même mot en hébreu. Donc en Genèse 1, Dieu va créer le monde. Et en Exode 14, Dieu va se créer son peuple par la sortir. Donc, on peut même faire un jeu de mots entre hébreu ivrim et le mot hébreu avar qui veut dire passer. Donc, les hébreux, ce sont ceux qui ont passé donc de la mort à la vie, d'une certaine manière, parce qu'on passe dans l'histoire de l'Ouest, qui est toujours lié à la mort, à l'est, où le soleil se lève, etc. C'est un peu une sorte de procession qui se passe là. Donc, de nouveau, on disait ça tout au début de l'émission, il ne faut pas prendre ces récits comme un fait historique. Non, c'est une grande mythologie où on montre en effet comment Dieu se crée son peuple par ce passage. Il faut sortir de la mort vers la vie. Et après, dans le christianisme, on va utiliser ça pour parler du baptême, qui est largement aussi inspiré par cette idée-là de passer par les eaux. Donc, en fait, oui, l'Exode, c'est la sortie, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et comme vous l'avez dit, après, on est confronté à d'autres problèmes de leadership, comme on dirait aujourd'hui, qui n'est pas toujours accepté par tout le monde. Et puis il y a des gens qui disent, mais pourquoi après il y a les prêtres? Et bien, nous aussi, on a les mêmes privilèges. Donc, en fait, l'histoire va pas se terminer les comme ça. Les mêmes problèmes éternels qui voilà, puis donc on va pas avoir une sorte de happy end, de même à la fin du Pentateuch. Même Moïse, bah, il contemple le pays qui a été promis, mais il y entre pas. Donc là aussi, le Pentateuch, la Torah, se termine par un non-accomplissement. Mais ce qui, évidemment, de nouveau, nous ramène à la situation du judaïsme, qui est comme Moïse, qui voit le pays, qui pense au pays, mais qui est ailleurs et qui n'entre pas. Mais du coup, on peut voir aussi comment le Pentateuque, la Torah, se construit comme un document pour la diaspora, en disant, bon, la promesse du pays, il reste valable, l'année prochaine à Jérusalem. Mais l'année prochaine, c'est pas exactement qu'on sait. Et puis, donc, via Moïse, c'est aussi un peu la diaspora qui se donne une identité. Et ce qui est important, Hannah Arendt en avait parlé aussi, c'est les lois. C'est les lois que Moïse, dont il va devenir en fait le seul médiateur. Et les lois de Moïse, c'est ça ce qui va permettre une identité. C'est pas le roi, c'est pas le pays, c'est pas l'État. C'est en effet l'observance compliquée des lois de la Torah. Mais il est intéressant que tout ce processus se fasse contre le gré de certains membres du peuple. Alors, ça, et même de Moïse au début. Bah, Moïse, il n'est pas toujours non plus hyper convaincu ce que Dieu lui demande. Hein? Donc en fait, si vous regardez les figures bibliques, il n'y a aucune figure qui est dépeinte d'une manière unanimement positive. Moïse, Abraham, tout le monde a son petit côté sombre, mais ce qui fait les textes d'autant plus humains. In the Bible, there's a story that everybody knows. It's about Joseph and his brother and a suit of clothes. No, it wasn't a suit. It was a coat and a solid one to boot that started all the trouble. Just because little Joe looked too all rude, zoot. Jacob was the papa of a dozen sons, a dozen sons, a dozen sons. Jacob was the papa of a dozen sons, and little Joe was the favorite one. Jacob made for Joseph a real sharp coat, a striped coat. That's right, I quote, Jacob made for Joseph a real sharp coat, and the other brothers didn't have none. Et oui, l'histoire de Joseph et ses frères chantée par Louis Armstrong. Un grand merci Thomas Römer d'être venu nous en parler ce matin. C'était vraiment un plaisir de vous entendre raconter ces histoires, les interpréter. Puis bon, vous reviendrez passer plus de temps sur, je sais pas, chacune des plaies d'Égypte ou on trouvera une autre occasion. J'en profite pour annoncer, apprendre aux auditeurs, pour ceux qui seraient intéressés, que vos cours sur Joseph et sur Moïse dispensés au Collège de France sont disponibles en vidéo. Tout à fait. Ils peuvent vidéo, en podcast aussi. Et en podcast. Donc voilà, soit avec ou sans l'image. Je renvoie à votre Que sais-je sur l'Ancien Testament et le Moïse en découverte, Gallimard.